Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 31 janvier de quelle année ? De l'année 1606, nous sommes le jour de l'exécution de Guy Fawkes, ce catholique anglais impliqué dans la conspiration des poudres. Alors je vous rappelle les faits, parce que l'histoire anglaise, on ne connaît pas trop de ce côté de la Manche. Trois mois plus tôt, dans la nuit du 4 au 5 novembre, des catholiques se sentant persécutés par le régime protestant du roi Jacques Ier, décident de faire sauter le Parlement. Le complot est mené par quelques acharnés, dont notre soldat de 32 ans, Guy Fawkes. C'est lui qui, dans le complot, est chargé des explosifs. Et donc le Parlement explose ? Non, car le complot a été éventé juste à temps, à la toute première heure du 5 novembre. Le malheureux Fawkes est découvert en train de monter la garde devant ses 36 barils de poudre. Il n'est pas venu sans munitions. Ah non. Les conjurés sont arrêtés, torturés, écartelés, enfin vous imaginez. Chez les catholiques, la déception est terrible. Elle va donner naissance à des célébrations clandestines qui petit à petit vont devenir folkloriques. De sorte que chez nos voisins britanniques, la nuit de Guy Fawkes, la Guy Fawkes Night, continue d'être célébrée. Les enfants dans les écoles fabriquent des effigies de Guy qui sont brûlées en hommage aux meneurs de la conspiration des poudres. Et les gamins demandent de l'argent en passant. Hein. On disait autrefois « a penny for the guy », c'est moins le cas aujourd'hui. Dans les quartiers populaires, on dit même « a penny ». Tout cela est encore très présent, en tout cas dans les mémoires. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, Franck, c'est que tout le monde connaît le visage de Guy Fawkes. Mais oui, Raphaël, et pour cause, puisqu'il y a une dizaine d'années, les membres du mouvement Anonymous arboraient le fameux masque avec la barbiche et les moustaches. Or, c'était bien les traits de Guy Fawkes. Les Anonymous ont adopté cette icône en référence au film et à la BD V pour Vendetta, dont le héros arborait ce fameux masque. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission romaine sous le règne exemplaire d'Auguste.